Chapitre 7e, le marché. Alors monsieur l'ambassadeur consentit à examiner le collier en détail. Monsieur Bemer en montra curieusement chaque pièce et en fit ressortir chaque beauté. Sur l'ensemble de ces pierres, dit Beausire, à qui Don Manuel venait de parler en portugais, monsieur l'ambassadeur ne voit rien à dire. L'ensemble est satisfaisant. Quant aux diamants en eux-mêmes, ce n'est pas la même chose. Son Excellence en a compté 10 un peu piqués, un peu tachés. Oh ! Fit Bemer. Son Excellence, interrompit Beausire, se connaît mieux que vous en diamants. Les nobles portugais jouent avec les diamants au Brésil comme ici les enfants avec du verre. Don Manuel, en effet, posa le doigt sur plusieurs diamants l'un après l'autre, fit remarquer avec une admirable perspicacité les défauts imperceptibles que peut-être un connaisseur n'eût pas relevé dans les diamants. Tel qu'il est cependant ce collier, dit Bemer, un peu surpris de voir un si grand seigneur aussi fin joaillier, tel qu'il est, le collier est la plus belle réunion de diamants qu'il y ait en ce moment dans toute l'Europe. C'est vrai, répliqua Don Manuel, et sur un signe, Beausire ajouta, eh bien, monsieur Bemer, voici le fait. Sa Majesté, la reine du Portugal, a entendu parler du collier. Elle a chargé son Excellence de négocier l'affaire après avoir vu les diamants. Les diamants conviennent à son Excellence. Combien voulez-vous vendre ce collier ? 600 000 livres, dit Bemer. Beausire répéta le chiffre à son ambassadeur. 600 000 livres trop chers, répliqua Don Manuel. Monseigneur, dit le joaillier, on ne peut évaluer les bénéfices au juste sur un objet de cette importance. Il a fallu, pour composer une parure de ce mérite, des recherches et des voyages qui effraieraient si on les connaissait comme moi. 100 000 livres trop chers, repartit le tenace portugais. Et pour que monseigneur vous dise cela, dit Beausire, il faut que ce soit chez lui une conviction, car son Excellence ne marchande jamais. Bemer parut un peu ébranlé. Rien ne rassure les marchands soupçonneux comme un acheteur qui marchande. Je ne saurais, dit-il après un moment d'hésitation, souscrire une diminution qui fait la différence du gain ou de la perte entre mon associé et moi. Don Manuel écouta la traduction de Beausire et se leva. Beausire ferma l'écrin et le remit à Bemer. J'en parlerai toujours à M. Bossange, dit ce dernier. Votre Excellence y consent-elle? Qu'est-ce à dire? Demanda Beausire. Je veux dire que M. l'ambassadeur semble avoir offert 1 500 000 livres du collier. Oui. Son Excellence maintient-elle son prix? Son Excellence ne recule jamais devant ce qu'elle a dit, répliqua portugaisement Beausire. Mais son Excellence ne recule pas toujours devant l'ennui de marchander ou d'être marchandé. Monsieur le secrétaire, ne concevez-vous pas que je doive causer avec mon associé? Oh, parfaitement, monsieur Bemer. Parfaitement, répondit en portugais Don Manuel, à qui la phrase de Bemer était parvenue. Mais à moi aussi, une solution prompte est nécessaire. Eh bien, monseigneur, si mon associé accepte la diminution, moi j'accepte d'avance. Bien. Le prix est donc dès à présent de 1 500 000 livres. Soit. Il n'en reste plus, dit Bemer. Sans toutefois la ratification de M. Bossange, toujours, oui. Il ne reste plus que le mode de paiement. Vous n'aurez pas à cet égard la moindre difficulté, dit Beausire. Comment voulez-vous être payé? Mais, dit Bemer en riant, si le comptant est possible. Qu'appelez-vous le comptant? Dit Beausire froidement. Oh, je sais bien que nul n'a 1,5 million en espèces à donner, s'écria Bemer en soupirant. Et d'ailleurs, vous en seriez embarrassé vous-même, Monsieur Bemer. « Cependant, monsieur le secrétaire, je ne consentirai jamais à me passer d'argent comptant. C'est trop juste. » Il se tourna vers Don Manuel. « Combien votre Excellence donnerait-elle comptant à monsieur Bemer ?»« 100 000 livres, » dit le portugais. « 100 000 livres, » dit Beausire à Bemer, en signant le marché. « Mais le reste, » dit Bemer. « Le temps qu'il faut à une traite de monseigneur pour aller de Paris à Lisbonne, à moins que vous ne préfériez attendre l'avertissement envoyé de Lisbonne à Paris. »« Oh !» dit Bemer, nous avons un correspondant à Lisbonne, en lui écrivant. C'est cela, dit Beausire, en riant ironiquement. Écrivez-lui. Demandez-lui si M. de Souza est solvable, et si Sa Majesté la Reine est bonne pour 1 400 000 livres. Monsieur, dit Bemer confus, acceptez-vous ou bien préférez-vous d'autres conditions? Celle que M. le secrétaire a bien voulu me poser en premier lieu me paraît acceptable. Y aurait-il des termes au paiement? Il y aurait 3 termes, M. Bemer. Chacun de 500 000 livres, et ce serait pour vous l'affaire d'un voyage intéressant. D'un voyage à Lisbonne, pourquoi pas? Toucher 1,5 million en 3 mois, cela vaut-il qu'on se dérange? Oh, sans doute, mais... D'ailleurs, voyagerez aux frais de l'ambassade, et moi ou monsieur le chancelier, nous vous accompagnerons. Je porterai les diamants, sans nul doute, à moins que vous ne préfériez envoyer d'ici les traites et laisser les diamants aller seuls en Portugal. Je ne sais, je crois que le voyage serait utile et que... C'est aussi mon avis, dit Beausire. On signerait ici, vous recevriez vos 100 000 livres comptant, vous signeriez la vente et vous porteriez vos diamants à Sa Majesté. Quel est votre correspondant? Monsieur Nunes Balboa, frère. Don Manuel leva la tête. Ce sont mes banquiers, dit-il en souriant. Ce sont les banquiers de son Excellence, dit Beausire en souriant aussi. Bemer parut radieux. Son aspect n'avait pas conservé un nuage. Il s'inclina comme pour remercier et prendre congé. Soudain, une réflexion le ramena. « Qu'y a-t-il ? » demanda Beausire inquiet. « Ces paroles données ? » fit Bemer. « Oui, données. Sauf ?»« Sauf la ratification de M. Bossange, nous l'avons dit. »« Sauf un autre cas, » ajouta Bemer. « Hein ? » Monsieur, cela est tout délicat, et l'honneur du nom portugais est un sentiment trop puissant pour que son Excellence ne comprenne pas ma pensée. Que de détours ! Au fait, voilà le fait. Le collier a été offert à Sa Majesté la Reine de France, qu'il a refusé après. Nous ne pouvons, monsieur, laisser sortir de France à tout jamais ce collier sans en prévenir la Reine. Et le respect, la loyauté même, exigent que nous donnions la préférence à Sa Majesté la Reine. C'est juste, fit Don Manuel avec dignité. Je voudrais que les marchands portugais tînt le même langage que M. Bemer. Je suis bien heureux et bien fier de l'assentiment que Son Excellence a daigné m'accorder. Voilà donc les deux cas prévus. Ratification des conditions par Bossange, deuxième et définitif refus de Sa Majesté la Reine de France. Je vous demande pour cela 3 jours. De notre côté, dit Beausire, 100 000 livres comptant, 3 traites de 500 000 livres mises dans vos mains, la boîte de diamants remise à M. le chancelier de l'ambassade ou à moi, disposé à vous accompagner à Lisbonne, chez M. Nunes Balboa, frère. Paiement intégral en 3 mois, frais de voyage nul. Oui, monseigneur, oui, monsieur, dit Bemer en faisant la révérence. Ah, dit Don Manuel, en portugais. Quoi donc ? Fit Bemer inquiet à son tour et revenant. Pour épingle, dit l'ambassadeur, une bague de 1000 pistoles pour mon secrétaire ou mon chancelier, pour votre compagnon, enfin, le seul joaillier. C'est trop juste, monseigneur. Et j'avais déjà fait ces dépenses dans mon esprit. Don Manuel congédia le joaillier avec un geste de grand seigneur. Les deux associés demeurèrent seuls. Veuillez m'expliquer, dit Don Manuel avec une certaine animation à Beausire. Quel diable d'idée vous avez eue de ne pas faire remettre ici les diamants ? Un voyage en Portugal, êtes-vous fou ? Ne pouvait-on donner à ces bijoutiers leur argent et prendre leurs diamants en échange ? Vous prenez trop au sérieux votre rôle d'ambassadeur, répliqua Beausire. Vous n'êtes pas encore tout à fait monsieur de Souza pour monsieur Bemer. Allons donc, eut-il traité s'il eut des soupçons ? Tant qu'il vous plaira. Il n'eut pas traité, c'est possible. Mais tout homme qui possède 1 500 000 livres se croit au-dessus de tous les rois et de tous les ambassadeurs du monde. Tout homme qui troque 1 500 000 livres contre des morceaux de papier veut savoir si ces papiers valent quelque chose. Allons, vous allez en Portugal. Vous qui ne savez pas le portugais, je vous dis que vous êtes fou. Point du tout, vous irez vous-même. Oh non pas, s'écria Don Manuel. Retourner en Portugal, moi j'ai de trop fameuses raisons. Non, non. Je vous déclare que Bemer n'eut jamais donné ses diamants contre papier. Papier signé Souza. Quand je dis qu'il se prend pour un Souza, s'écria Beausire en frappant dans ses mains. J'aime mieux entendre dire que l'affaire est manquée, répéta Don Manuel. Pas le moins du monde. Venez ici, monsieur le commandeur, dit Beausire au valet de chambre qui apparaissait sur le seuil. Vous savez de quoi il s'agit, n'est-ce pas ? Oui. Vous m'écoutiez ? Certes. Très bien. Êtes-vous d'avis que j'ai fait une sottise ? Je suis d'avis que vous avez 100 000 fois raison. Dites pourquoi. Le voici. M. Bemer n'aurait jamais cessé de faire surveiller l'hôtel de l'ambassade et l'ambassadeur. Eh bien ? Dit Don Manuel. Eh bien ? Ayant son argent à la main, son argent à ses côtés, M. Bemer ne conservera aucun soupçon. Il partira tranquillement pour le Portugal. Nous n'irons pas jusque-là, monsieur l'ambassadeur, dit le valet de chambre, n'est-ce pas, monsieur le chevalier de Beausire ? Allons donc, voilà un garçon d'esprit, dit l'amant d'Oliva. Dites, dites votre plan, répétit Don Manuel assez froid. À 50 lieues de Paris, dit Beausire, ce garçon d'esprit, avec un masque sur le visage, viendra montrer un ou deux pistolets à notre postillon. Il vous volera notre aide, nos diamants, rouera de coups Monsieur Bummer, et le tour sera fait. » Je ne comprenais pas cela, dit le valet de chambre. Je voyais Monsieur Beausire et Monsieur Bummer s'embarquant à Bayonne pour le Portugal. Très bien. Monsieur Bummer, comme tous les Allemands, aime la mer et se promène sur le pont. Un jour de roulis, il se penche et tombe. L'écrin est censé tomber avec lui, voilà. Pourquoi la mer ne garderait-elle pas 1 500 000 livres de diamants, elle qui a bien gardé les galions des Indes ? Ah oui, je comprends, dit le Portugais. C'est heureux, grommela Beausire. Seulement, reprit Don Manuel, pour avoir subtilisé les diamants, on est mis à la Bastille. Pour avoir fait regarder la mer à Monsieur le Joaillier, on est pendu. Pour avoir volé les diamants, on est pris, dit le commandeur. Pour avoir noyé cet homme, on en peut être soupçonné 1 minute. Nous verrons d'ailleurs quand nous en serons là, répliqua Beausire. Maintenant, à leur rôle. Faisons aller l'ambassade comme des Portugais modèles, afin qu'on dise de nous, s'ils n'étaient pas de vrais ambassadeurs, ils en avaient la mine. C'est toujours flatteur. Attendons les 3 jours.